Yes man, yes. Je t'entends moins bien. Rien du tout. Tu m'entends? Hola, que cosa me linda, te chai de grasa. Tu m'entends? Yes man, je t'entends. Yo Seb. Zibelizer. Zibelize. Still police. Bon, Seb. Je crois qu'on a perdu Seb. Hello, t'es encore là? Toi, c'est bon? Quelqu'un m'entend-il? Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, tu m'entends? Ouais. Yes, man. Non, il est là. Yes, man. Yes, ouais, Seb. Par contre, je vais pas tarder à aller me coucher, moi. Hein. T'entends pas Seb, là, moi je l'entends. J'ai l'impression que tout d'un décalé, c'est chelou. J'entends sa guitare. Mais j'ai pas d'autre volume. Hein. Tout est... Je crois qu'en tout cas on va pas tous. Tu disais quoi? Non, de toute façon on va tous pas trop parler, je crois. Vous m'entendez ou quoi? Vous m'entendez? Tu m'entends? Tu m'entends Mika? Jérôme, tu m'entends? Ouais, on t'attend. Thank you. Thank you.